Bonjour et bienvenue à cette 122e émission de Rock de Neuron. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. On aura du rock progressif. Je m'occupe de la mise en onde, du choix musical et de l'animation. Et j'aimerais souligner aussi l'apport de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette pour les chaleureux commentaires qu'ils donnent comme feedback sur les émissions comme celle de la semaine passée. Et aujourd'hui, à l'émission, nous aurons Torga Ostera du Portugal, Simon Says de Suède, Il Tempio delle Clessidre d'Italie, Mirtcon des États-Unis, Black Mountain du Canada, The Gauri Shankar de Russie, Eternal Wanderers de Russie, Panther and Company d'Italie, Pure Reason Revolution d'Angleterre, Progression by Failure de France. Nous aurons une demande spéciale de Yves de Saint-Augustin-de-Desmaures, Dire Straits. Et pour conclure l'émission, nous aurons au palmarès Rock de Neuron des meilleurs albums de rock progressif de tous les temps, la position 3 qu'occupe Premiata Forneria Marconi avec l'album Per un Amico. Alors, on débute ça avec une formation du Portugal, Torga Ostera. C'est une nouvelle formation assez récente qui a un album qui a été paru en 2012, Queda Ascendente, et c'est, on va entendre une pièce tirée de cet album-là. Ça va suivre avec Simon Says, qui est une formation de Suède, avec trois albums, dont le dernier en 2006-2008, c'est-à-dire Tardigrade. On aura une pièce extraite de l'album Tardigrade. On va enchaîner avec Il Tempio delle Clessidre, qui est une jeune formation italienne, avec la particularité qu'ils ont une admiration pour le groupe Museo Rosenbach, d'où le nom du groupe Il Tempio delle Clessidre, qui en fait est le nom d'une des pièces de l'album Zarathustra, enregistré en 1973 par le groupe Museo Rosenbach. Et une autre particularité de la formation, c'est que pour cet album-là, ils ont recruté le vétéran chanteur Stefano Lupo Galifi, qui, comme on le sait, a participé à Museo Rosenbach, qui, soit dit en passant, a fait un seul album dans les années 70 avec une reprise dans les années 2000. Et on va conclure le bloc avec une formation américaine du nom de Mirtcon, qui est une suggestion de Noël Douville, un fidèle auditeur. Et Mirtcon ont deux albums, un en 2009, l'autre en 2013. Et celui de 2009, Vehicle, c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce, un petit moment, Daddy Long Legs. Alors, on débute ça avec la formation portugaise Torga Ostera. We'll be right back. Хрещча. Pegadas no eu, claro como breu, afetos coados, abraços mutilados. Thank you. at the altars and bow to the ground. Far beyond the power of conceiving, there's a master plan already. Daisy is vital to decide just what is our mission. Maybe that our loyalties are clear, but we've blurred the vision. If you cannot dance with the early morning birds, why are you provided with a gift of your feet? Don't go on. whatever we alter in its chains, we are bound. Nous voici au début du deuxième bloc de l'émission et nous aurons Black Mountain du Canada avec un extrait du plus récent album qui s'intitule 4, en chiffre romain, un V, IV. Et ça sera suivi par The Gauri Shankar, qui est une formation russe dont on connaît trois albums. Et ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est extraite du premier album paru en 2007 qui s'intitule Second Hand. Et on va terminer le bloc avec une autre formation russe et, qui s'appelle Eternal Wanderers. Et la pièce, c'est la pièce titre de l'album The Mystery of the Cosmic Sorrow, qui est paru, ça vient tout juste de sortir ça aussi. Donc, des nouveautés dans ce bloc-ci. Alors, on débute ça avec Mountain, c'est-à-dire Black Mountain. Thank you. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour le troisième bloc de l'émission, nous aurons trois pièces. Et la première, c'est du groupe italien Panther & Company. C'est un nouveau groupe avec un nouvel album qui s'intitule, juste une petite seconde, L'Epoca di un altro. Alors, c'est tout récent, ça vient de sortir. Ça sera suivi de Pure Reason Revolution, qui est une jeune formation de l'Université de Westminster qui a formé, en fait, qui a produit trois albums et plusieurs EP. Et on va entendre une pièce tirée de Amor Vincit Omnia, qui est leur deuxième album. Et en fin de bloc, nous aurons une formation française, Progression by Failure, dont on connaît deux albums. Et ce qu'on va entendre, c'est tiré de l'album éponyme qui est paru en 2009. Alors, on débute ça avec Panther & Company d'Italie. Toglieva l'armatura e poi si scopriva che come un Ercole lassù si imponeva sempre più, con un grido si lanciava a testa bassa. Sono Oh, notte il flash in bianco e nero, una delle tante risorse del guerriero, della sentinella che veglia a sguardo fiero, i nervi tesi e spera, si uccide tante volte, si scampa dalla morte, chi muore in battaglia, chi esce invece intero, a dare in ben portante lo sguardo del guerriero, e solo in un istante sembrerà che è vero. a deus ex machina. She didn't wanna know, so she could never grow. She's so demiser, as a child who won't believe her. Your love, deus ex machina. Rip out the guns, let's go far. Avail love, deus ex machina. She didn't wanna know, and love's a wicked soul. A cold disguiser is a deus ex machina. She didn't wanna show, so she can never go. She told him lies and raised the child who I believe. But we saw the city suburbs, we'll make lovers. Like saw the city suburbs, you're great lovers. The stars will make lovers. If something's in the stars, you're great lovers. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Did you real words? Now I'm the lover. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Did you real words? Now I'm the lover. Now take your woes to the altar and sing dead and praise. Hater, I'm a sleepy evolution of my dream. Never leave, desire forever adore. And like a deus ex machina, as you ground mine, growing clearer, you'll always feel my more. And as the seasons, I found mine. I promise love. And as the seasons, I dead found mine. And dead promise love. With fights and stars, we'll make lovers. Like suns to the stars, you great lovers. Yes, to the great and the dead, the dead lovers. The sons to the stars, we'll make lovers. Yes, to the great and the dead, the dead lovers. The sons to the stars, you're great lovers. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Did you real blood? So now I'm the lovers. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Did you real blood? So now I'm the lovers. I'll cast an eye, she's so steady. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au quatrième bloc de l'émission et on va débuter ça avec une demande de Yves de Saint-Augustin de Desmaures qui me propose une pièce de la formation Dire Straits. Dire Straits, qui, à proprement parler, n'est pas un groupe de rock progressif, mais souvent les groupes de qualité qui ont une dextérité, une instrumentalité assez développée, flirtent avec le prog et c'est à nous, les amateurs de rock progressif, de détecter et de faire connaître ces pièces-là. Alors, on a ici un extrait de l'album « Love Over Gold ». Et l'extrait, c'est « Private Investigation », ce qu'on va entendre. Et suite à ça, ça sera un extrait, trois extraits, c'est-à-dire de l'album « Per un amico » de Premiata Forneria Marconi, qui occupe la troisième place du palmarès Rock de Neurone des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Alors, on va entendre « Il Blanchetto », on va entendre Generale et Appena un po. Alors, on débute ça avec Dire Straits. Thank you. mai stato. Vivere antico come sempre siamo tutti qua. Sire, siamo noi. Il poeta, l'assassino, sua santità. Tutti fedeli amici tuoi.

C'était Premiata Forneria Marconi avec trois extraits de l'album Per un Amico qui est paru en 1972 et ça occupe la troisième place du palmarès Rock de Neuron des meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Alors ceci met fin à l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neuron.